pas me faire fixer estampillant, j'exprime, me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient. Ma vie m'appartient. Ma vie m'appartient. Ma vie m'appartient. C'est l'irrésistible ascension de Duflan. Il monte, il descend, mais en fait, il tourne. D'ailleurs, tout tourne. Lui, là où il est, et ce dont il est fait, il court irrésistiblement après lui-même tout en voyant courir après un autre. Tout le monde le sait, mais personne ne le dit, et c'est l'irrésistible descente dans son antre. L'empereur est là, à sa place, il a inscrit sur le registre dans l'immense hall. Des propriétaires, des chèques barrés et des formulaires, des tampons encreurs et des secrétaires. Des difficultés, des horaires, des enquêtes de bureau, des portes, des écrans bavards, des claviers fantômes, des rouleaux cliquetards. C'est l'ordre des fenêtres, des vitres qu'on regarde, on fait cas de la tête, honnête ou pas honnête. De vous donner une possibilité de plaider votre cause en présence de cette assemblée.